Histoire d'un voyage dans le temps. Je me présente, je suis Annie Poisson, écrivain. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique et homme d'affaires. Bonsoir, je suis Robert Cormier, homme d'affaires. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Daniel. Un nouvel intervieweur ce soir, parce qu'on est allé le repêcher en l'air de grâce. Ben oui, ça, on va vous compter ça. Donc, histoire d'un voyage dans le temps. Il y a plusieurs films qui ont parlé de ça, puis c'est comme si c'est toujours quelque chose d'impossible. Puis dans ces films-là, souvent, il y a des machines à voyager dans le temps. À savoir, est-ce que de telles machines existent? J'en ai pas rencontré. Non, les machines à voyager dans le temps, ça n'existe pas. Ce qui est important au niveau de la conférence de ce soir, il faut comprendre que, bon, on va parler évidemment de sujets assez particuliers, en l'occurrence le voyage dans le temps, évidemment, pour la première conférence. Et c'est un sujet qui est assez intéressant et qui, en même temps, est un peu ambigu pour la simple raison que la majorité des personnes n'ont aucune idée de ce que c'est le temps. Et nécessairement, ce qu'on va compter ce soir peut paraître assez bizarre, sinon surprenant. Et c'est important que chaque individu qui assiste à la conférence soit suffisamment mature pour être capable d'ajuster en fonction de ses besoins, en fonction de sa conscientisation, en fonction de son émancipation, les informations ou le discours qu'ils vont entendre ce soir dans les deux conférences. C'est important, ce n'est pas parce que des personnes disent avoir fait une chose que cette chose a été faite. Ce n'est pas non plus parce qu'une personne qui a de l'autorité peut expliquer la mécanique que nécessairement ça veut dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut dire que c'est mauditement intéressant. Donc, pas de machine à voyager dans le temps, j'en ai jamais vu. Non, mais c'est pas parce que tu n'as jamais vu que... Ah. Ça commence bien. Moi, j'en ai vu dans les films, ça avait l'air à marcher, en tout cas. Exact. Fonctionner. Mais la machine, dans ce cas-là, ça serait pas l'humain? On dirait que vous avez déjà fait un voyage dans le temps, vous. Oui. La machine, ce n'est pas l'humain. L'humain peut voyager dans le temps sans machine. OK, puis l'humain, il peut voyager dans le temps sans savoir trop comment ça se fait aussi. C'est-à-dire que l'humain, oui, c'est pas nécessaire de savoir trop comment ça se fait. Évidemment, il faut être au minimum accompagné d'une personne qui est capable de contrôler les mécaniques pour amener un groupe à voyager dans le temps. Et il faut aussi que les individus aient une certaine préparation psychologique, émotive, mentale, vitale et physique, de façon à pouvoir se déplacer dans le continuum. Est-ce que ça veut dire que ça demande une certaine préparation à un voyage? Est-ce qu'il faut un certain état d'énergie ou un... C'est ça. La préparation, on ne sait pas, c'est pas nécessaire de déterminer où on veut aller, on peut. C'est pas ça, la préparation. La préparation, premièrement, c'est d'être capable de supporter le choc de ce qui peut se passer. C'est-à-dire que le fait de changer de continuum amène évidemment de l'expérience psychologique et émotive qui ne fait pas partie de ce que l'humain vit dans ses habitudes quotidiennes. Évidemment, il faut que la personne soit capable de supporter des dissonances cognitives. La dissonance cognitive, c'est quand l'être humain est confronté à deux explications différentes pour expliquer une seule chose, ou quand l'humain est confronté à des choix. Alors, évidemment, si vous faites un voyage dans le temps et que vous arrivez à une époque romaine et que tout disparaît et tout change, et finalement, ce sont des constructions romaines, vous voyez des Romains et des Romaines passer, vous les voyez se chicaner, etc., vous envoyez une jeter ses ordures dans la rue, et... La dissonance là-dedans, c'est qu'en dedans, beaucoup de particularités de votre constitution vont répéter très, très, très fort. Ça se peut pas! Puis en même temps, vous êtes là, puis vous dites, bien, ça se peut peut-être pas, mais je viens de recevoir une éplucheuse de patates. Alors, pour la santé psycho-émotive de l'humain, il a besoin d'une préparation à ce niveau-là. Ensuite, il a besoin d'une préparation au niveau du corps physique et au niveau du corps vital, parce que le voyage dans le temps, c'est un voyage qui ne se fait pas par la pensée. La pensée, évidemment, va jouer un rôle. Mais c'est un voyage qui se fait en amenant le corps physique et en amenant le territoire que tu veux amener. Mais c'est quand même fait... ça se fait tout seul, on dirait. On n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de... Parce que c'est moi qui le faisais. OK, parce qu'on avait un guide. C'est ça. Mais pas dans le sens spirituel. Mais non. Dans le sens touristique. C'est ça. Nuance. Quelqu'un voici qui à notre gauche. C'est à peu près ça. Sauf que ça se fait sans effort même pour celui qui va procéder, à qui, celui qui connaît les techniques de voyage temporel. Ça se fait sans effort, comme justement quelqu'un disait à un moment donné, c'est plus facile à croire si tu es dans une machine, qu'elle se met à bouger, tu vois les dates changent à toute vitesse, puis que tu ne sais pas si tu vas avoir assez d'énergie pour venir. Là, du moment que c'est émotif, que ça va jouer dans le corps physique, l'humain va y croire plus, alors que la façon de voyager dans le temps est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que ça demande une préparation, mais ce n'est pas méritoire, ce n'est pas une question de travail. C'est facile à faire, sauf que tu dois simplement avoir la bonne préparation et ça se fait. C'est comme avoir une idée, c'est facile, ça ne demande pas bien d'efforts pour avoir une idée. Vous en avez une ou vous n'en avez pas. Et pour avoir une idée, eh bien, on peut prendre un bain chaud, on peut se relaxer, on peut faire des petites choses, préparation, et après ça, on fait une petite réunion, on discute et les idées peuvent jaillir. Il n'y a pas eu d'effort. Personne qui se concentre pour avoir des idées, c'est pas ça qui amène l'idée. Mais au niveau de la sensation, c'est quoi la différence entre un voyage astral dans le temps? Parce qu'il y en a qui vont dire, moi, j'en ai vu des romaines, puis tout ça, mais ils ont été astralement, parce que par un voyage astral, c'est bien rare qu'on est dans le présent, on est toujours dans le temps. Oui. Puis c'est quoi la différence au niveau de la sensation? Bon. Ou c'est quoi la différence, point? J'ai reçu une pure... Il n'y a pas de pigeon ici. Bon. L'imagination, c'est la capacité qu'a l'être humain de fouiller dans de la mémoire, dans l'astral, qui est le terme ésotérique employé. L'imagination, c'est notre capacité que nous avons cérébralement de percevoir des choses. Nous, on peut voir avec les yeux... On peut être capable de percevoir les choses, donc voir avec le cerveau. On peut voir donc les yeux fermés ou les yeux ouverts, on peut voir avec le cerveau. Le voyage astral, c'est lorsque l'être humain est capable, en plus de voir avec le cerveau, de contrôler le déplacement de sa perception, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir l'impression de quitter le corps physique ou d'apparaître dans un autre lieu. Il a la possibilité donc de voir la salle à partir du plafond, donc d'avoir une vue d'oiseau, une vue en plongée. Il a la possibilité d'un voyage astral de traverser les murs ou simplement apparaître là où il veut aller. Il peut jouer avec les mécaniques de la pensée avec une certaine forme de contrôle. C'est un voyage astral. Le voyage astral doit se faire normalement quand les gens dorment. Il y a évidemment des techniques de voyage astral qui vous amènent à un sommeil où le corps physique s'endort, mais où vous ne devez pas vous endormir. Et pour parvenir à faire un voyage astral convenablement, on doit effectivement s'assoupir et il y a une petite demi-seconde, seconde, seconde et demie, juste entre le corps physique dort, vous savez qu'il dort, vous êtes réveillé et pouf, vous dormez vous aussi. La personne qui est capable juste à ce moment-là de dire « Non, non, non, il ne faut pas que je dorme » et qui ne réveille pas le corps physique est automatiquement dans un voyage astral très conscient. Donc, elle peut effectivement voyager dans les annales akashiques. Elle peut voyager aussi dans l'illusion planétaire, c'est-à-dire aller fouiller dans tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est dit de ce qui s'est dit, etc. Et elle peut donc fouiller dans la mémoire, dans l'akasha, qui est la mémoire du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le passé que la personne va aller, mais elle va aller dans les banques mémorielles de ce qui s'est fait dans le passé. Et la problématique du voyage astral, vous pouvez revenir très, très, très coloré, sinon carrément abîmé psychologiquement du voyage. Le cauchemar est un voyage astral un petit peu plus dense. Et on a des fois des rêves où on voit un gros monstre et ça ne nous dérange absolument pas. Une autre fois, on voit juste une personne normale et on a une peur atroce parce que nous sommes dans un voyage astral où nous goûtons l'émotion en plus de voir, alors que quand c'était le grand monstre, on ne goûtait pas l'émotion, donc on n'avait pas peur. Dans le voyage astral, vous ne pouvez rien amener avec vous, vous ne pouvez rien ramener avec vous. Et en plus, dans le voyage astral, on joue dans l'illusion complète, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, voir quelle est la combinaison que le banquier fait dans son coffre, en astral, pendant qu'il fait sa combinaison. Mais vous allez peut-être voir la combinaison qu'il avait pensé faire, peut-être celle qui avait été faite ailleurs, peut-être celle d'un autre coffre, puis il s'est mélangé ici, ça peut être n'importe quoi. Bon. Alors, combien de gens, pensez-vous, font des voyages astraux dans le but de décoder le prochain tirage du 649? Bien, il y en a probablement autant qu'il y a de billets d'acheter. Bon, ça veut dire qu'un voyage astral, de la façon que tu décris ça, ça doit être assez difficile de contrôler quelque chose. Tu n'es pas vraiment maître là-dedans parce que c'est l'astral, bien, c'est illusoire pas mal. Ben oui, mais on peut contrôler plus facilement. C'est-à-dire que quand le gros monstre arrive, tu peux très bien décider qu'il est tout petit et tu l'écrases. Bon, donc ça va. Le voyage temporel, la différence, c'est que, un, tu amènes ton corps physique avec toi. Donc, tu peux amener des choses avec toi et tu peux ramener des choses avec toi. Jusque-là, c'est une très bonne différence. Oui, mais... Maintenant, la prochaine conférence, on va faire un voyage, on va s'imaginer qu'on est une heure dans le futur, on va faire une heure de conférence, et je vais là expliquer plus en détail la mécanique même du voyage dans le temps. Alors, ce qui fait qu'on va donc passer un peu là-dessus présentement pour aller voir, aller se raconter des histoires. Bon, ben moi, j'ai une question précise, quelque chose qui m'est arrivé. On est à Montebello, et puis là, je veux savoir la différence entre ce que c'était... Bon, tu parlais tantôt de l'imagination, mais l'imagination, comme on en parle habituellement, ça veut dire que c'est quelque chose qui est plus ou moins farfelu, c'est-à-dire on imagine n'importe quoi, sauf que là... Ce n'est pas plus ou moins farfelu, non, c'est de l'imagination. Oui, mais c'est que c'est quand tu vas dire à quelqu'un « Oh, mais c'est imaginaire », ça veut dire que ça n'a aucun poids, aucune valeur. Ça veut dire que tu peux imaginer n'importe quoi. Mais je dois faire un petit tour juste rapide. Oui. Pourquoi on dit toujours que l'imaginaire, c'est farfelu? Uniquement parce que l'imaginaire fait partie de la clé pour que l'humain parvienne à se sortir de ce monde. L'imaginaire, c'est ce qui permet aux artistes d'amener des choses sur la Terre. C'est ce qui permet aux architectes d'amener des choses sur la Terre, aux ingénieurs, aux médecins, aux poètes, aux romanciers, aux créateurs. L'imaginaire, c'est effectivement farfelu parce que c'est la clé qui permet à l'humain d'améliorer sa condition humaine. Sans compter qu'il y a beaucoup d'inventions qui viennent de simplement d'imagination. C'est ça que je dis. Et pourquoi ça devient farfelu? Simplement parce que la nature fondamentale de l'être humain est une nature qui l'amène à s'autodétruire et à souffrir. Donc, nécessairement, tout ce qui devient utile à l'humain va être rejeté par les concepts humains. D'accord. OK. Alors, bon, donc, suite à ça... on a fait des voyages en utilisant notre cerveau, c'est-à-dire qu'on voyait des choses, puis on décrivait, puis on était plusieurs à voir la même chose, genre un cheval blanc qui arrivait au centre du groupe. Et puis moi, j'ai vu une chose, pour ça je veux vérifier, c'est que j'ai vu plus loin, il y avait différents chevaux, il y avait un cheval blanc avec un écusson, avec trois fleurs d'Élysée. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il était placé d'une façon très particulière. J'ai dit, ah, ben, c'est intéressant. Puis, quelques jours après, je suis allé faire un voyage à Québec et puis j'ai rencontré des gens qui s'amusaient beaucoup de faire se déguiser en Moyen Âge, ils se battaient et tout. C'était un peu après les médiévales de Québec. Et là, il y avait un grand livre, je regarde ça, et puis il y avait ce que j'avais vu exactement sur le bouclier. Puis, je demande à la personne qui est là, je dis, est-ce que c'est habituel comme ça ou c'est par hasard que c'était comme ça? Il dit non. Il dit, quand les trois fleurs d'Élysée sont placées comme ça, c'est toujours et uniquement la royauté française qui utilise ça. Donc, moi, je ne savais pas ça. Donc, est-ce que c'est un voyage astral ou un voyage dans le temps où j'ai vraiment vu quelque chose qui se passait et que j'ignorais à ce moment-là? Bon, un psychologue peut expliquer ce que tu as vécu en disant que c'est parce que probablement tu l'avais déjà vu, tu l'avais oublié, et puis là, dans ton imaginaire, dans ta fabulation, ben tu as revu quelque chose. Bon, c'est une possibilité qui existe. L'autre possibilité, évidemment, c'est que tu te sois relié télépathiquement à des individus qui présentement travaillaient sur certaines choses ou encore quelqu'un qui bouquinait. Bon, ce qui est aussi une possibilité. Troisième possibilité, c'est que c'est un voyage astral et dans l'astral, on a accès à de l'information. Information illusoire ou information akashique, donc information plus près de la réalité, de ce qui se passe dans d'autres continuums temporels, dans le langage humain, de ce qui s'est passé. Et la quatrième possibilité, c'est que tu as migré dans le temps et dans l'espace. Parce que quand on peut faire un voyage temporel, on fait aussi un voyage spatial, c'est pas plus compliqué. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer géographiquement en plus de se déplacer temporellement. Et tu es arrivé quelque part où il y avait effectivement en France cantonné des soldats, des chevaliers ou enfin des chevaux. Et tu as simplement constaté une écusson. Et donc, il y a quatre possibilités. Et présentement, laquelle des quatre que c'est, je m'en fous, parce qu'on va continuer, on va raconter une histoire de voyage dans le temps, puis on va se rendre compte que, lentement, les explications vont devoir s'éliminer. S'éliminer, c'est ça. Mais cette fois-là, tous les gens étaient au même endroit. si on voyageait tous ensemble? Bien, c'est normal. Un voyage astral, on peut voyager à plein de places. Mais un voyage temporel, on va à une place. Alors, si François était en France, tout le monde était en France. Exact. Mais tout le monde, tout le monde qui voyageait à différentes époques, souvent, là. Veux-tu que je raconte un peu? Bon, raconte-en. Bon, de la manière qu'on était à Montebello, on était le groupe en cercle. Ça commence surtout par la parole, c'est-à-dire que ça commence en... Des gens commencent à exprimer des perceptions. Et puis là, on remarque plutôt que c'est les gens sont comme à différents endroits, parce qu'il y en a un qui voit quelque chose là, l'autre qui voit quelque chose là. Fait que là, on est... je ne sais pas ce qui se passe au juste, mais il y a peut-être des gens qui sont dans l'astral, d'autres gens qui sont à d'autres endroits. En tout cas, on n'est pas tous au même endroit. Là, ça se clarifie, il y a vraiment une atmosphère qui devient évidente pour tout le monde. Là, ça fait comme... Le cercle devient plus homogène. Donc, on commence à voir plus les mêmes choses. On commence à... T'as-tu vu là? Puis là, tout le monde se réveille. Puis, ah oui, là, telle affaire. Puis ça, c'est ça. Puis donc, tout le monde renchérit. On a tous les yeux ouverts. Oui. Toujours, toujours. Puis là, à un moment donné, vient vraiment une atmosphère très dense. Puis là, tout le monde la sent. On peut dire, sentez-vous ceci? Tout le monde, oui, oui, oui. Énergétiquement, sentez-vous ceci? Oui, oui. Puis tout à l'heure, quand je disais sentez-vous, c'est vraiment au niveau de l'odorat. Bon, sentez-vous de la fumée? Sentez-vous de la boucane? Okay. Est-ce qu'un psychologue pourrait dire, si vous posez la question, sentez-vous de la fumée? Si les gens ne la sentaient pas, ils peuvent automatiquement se mettre à la sentir. Oui. Alors, si tu te rappelles bien, dans l'expérience, les questions étaient différentes. Il y a quelque chose qui vient de changer. C'est la question qui était posée. Oui, c'est pas tout le temps la même question, mais... Et c'est ça, mais il y a quelque chose qui vient de changer. Nous ne sommes plus à la même place. C'est la question qui est posée. OK. Qui peut dire où nous sommes? Là, il y en a un qui va commencer à décrire une partie. Il y en a un qui va dire, ben moi, je pense qu'on est probablement dans les 1300. Quelqu'un va dire oui, puis on est en Angleterre. Quelqu'un va dire oui, puis là-bas, ils sont 25 à nous regarder, puis tout le monde voit depuis tout à l'heure qu'ils... Bien, c'est ça. Là, ça part. Donc, les gens savent avant qu'on pose les questions ce qui se passe. Puis les questions viennent après. Oui, mais ça se raffine. On dirait que ça se densifie à mesure qu'on perçoit le groupe. On dirait que le groupe forme une énergie, puis là, ça densifie l'affaire. Là, c'est là que vraiment on peut dire, oui, ça sent quelque chose, ou ça sent intérieurement, puis ça sent aussi avec l'odorat. Ensuite, on a vu, j'ai pas raconté du tout ce qu'on avait vu. Je me rappelle pas de tout ce qu'on a vu. Moi, les choses que j'ai vues plus denses, c'était un éléphant. Un éléphant qui balançait sa trompe en nous regardant, et puis en... J'avais l'impression que cet éléphant-là m'avait perçu aussi. Il y avait aussi, au centre, il y avait un grand bateau. Mais ça, c'est en s'en venant. C'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, bon, le voyage temporel, vu qu'il est différent du voyage astral ou de la simple imagination, les premières expériences de voyage dans le temps qui ont été faites ici au 20e siècle, la première chose, ça a été de réunir des gens qui avaient une histoire de vie commune. C'est-à-dire des gens qui, dans le langage ésotérique du Québec, on dirait des gens qui se sont connus à travers le temps, de réincarnation en réincarnation. Quand on comprend la mécanique du temps, on va dire des gens qui vivent actuellement dans plusieurs adresses temporelles qui sont similaires. Alors, en prenant ces individus-là, ça facilitait beaucoup les premières tentatives de voyage dans le temps ici au 20e siècle, parce que ça permet à tout le monde d'avoir des affinités, donc d'être appelé dans le temps pour rejoindre des endroits temporels ensemble, en gros. Ta façon de décrire ça, c'est que déjà, c'est qu'il y a une certaine chimie dans le groupe qui fait que ça facilite probablement les voyages dans le temps. Et c'est pourquoi les personnes qui ne font pas partie des personnes du groupe et qui ne font pas partie de cette chimie, ces personnes-là, elles jouaient dans l'astral pendant que les gens étaient lentement en train de se connecter dans la mécanique, dans ce qu'on appelle un canal séraphique, en train de se connecter à travers le continuum. Donc, les personnes qui ne faisaient pas partie de ce groupe sélectionné voyait rien ou voyait un psychologiquement. Il fallait que quelqu'un dise « il y a un éléphant », la personne se retournait et là, il voyait l'éléphant. Alors que quelqu'un disait « il y a un éléphant », l'autre disait « oui, puis as-tu vu à grandeur ». Ça fait, puis à un moment donné, ça fait longtemps que les gens les regardent. Comme l'éléphant, à un moment donné, il y a une personne qui regarde Robert. Robert a des grands yeux. La personne regarde Robert. Elle se retourne. Elle lui dit « hé, merde! » Bon, les deux ont vu l'éléphant alors que Robert n'a pas parlé. Par contre, sa stupéfaction devant, il était assis au pied de l'éléphant. Puis l'éléphant, c'était un éléphant style d'Afrique, donc un des plus grands. Ce qui est donc important, c'est qu'il y a la mécanique qui se prépare quand on fait un voyage dans le temps. C'est une mécanique qui, actuellement au 20e siècle, a été orchestrée avec l'aide d'individus qui déjà se connaissaient à travers le temps. Ce qui permet aux individus de voyager plus aisément par l'imaginaire, par l'astral, et finalement, quand c'est assez bien orchestré, par le corps séraphique, donc à travers le temps. Donc, au début, les gens ont les mêmes affinités, ce qui va faire en sorte qu'ils vont plus facilement être capables de se créer un réseau télépathique. Donc, ils vont plus facilement être capables de « je vois ça, tout le monde le voit ». Progressivement, ça peut devenir astral. Ils vont voyager de concert dans l'astral. Et à un moment donné, mais vu qu'ils gardent, et c'est très important au niveau du voyage dans le temps, c'est que tu gardes les yeux ouverts, tu restes assis ou debout, tu continues à parler, tu te retournes, tu continues à vivre. Non, on n'était pas en transe, là. Non. On bougeait, pourquoi c'est important? C'est de façon justement à briser, à faire une séparation complète entre le voyage astral, l'imaginaire et ces choses-là, pour lentement arriver à percevoir une réalité. Et, c'est-à-dire, à finir par être capable d'avoir la possibilité de percevoir des spectres trop gros. On en parlera. Ça fait partie des besoins de la démarche pour voyager dans le temps. Et à un moment donné, ce qui arrive simplement, c'est ça, c'est que le voyage dans le temps, il a différentes densités. C'est-à-dire que les individus sont capables, en étant fixés sur un spectrochrone, c'est-à-dire une image complète, c'est-à-dire un état réel, on va dire présentement une image temporelle, OK? Le terme spectrochrone est plus global que ça, mais quand les individus sont capables d'être fixés sur une image temporelle, ils ont la capacité de densifier l'image, c'est-à-dire, le terme densifier est un terme évidemment employé par ceux qui ne comprennent pas la mécanique des voyages temporels. C'est-à-dire qu'en réalité, tu ne densifies pas, tu apparais et toi, tu deviens plus présent là. Mm-hmm. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au départ, évidemment, les individus observent des choses. Et à un moment donné, il y a des animaux ou il y a des êtres humains, dépendamment des époques ou des endroits où les personnes vont aller, où le groupe va aller. Normalement, pendant les deux premiers essais faits sur 2 ans séparés, jusqu'à date, il y a à peu près, disons honnêtement, un essai par année, un voyage par année. Premier, deuxième voyage, donc, sur 2 ans, les individus aperçoivent des choses, mais le monde dans lequel ils sont rendus ne peut pas les percevoir. Voyage que tu parles présentement, dernière année, donc l'an passé, la nuance, et là, évidemment, il faut que les individus soient au courant de bien des choses, c'est qu'à un moment donné, l'éléphant qui est là est en train de fouiller sur le sol, et à un moment donné, l'éléphant commence à bouger la trompe, commence à s'exciter lentement, il commence à gratter le sol d'une patte. À un moment donné, il avance de 2 pas rapidement. C'est clair que l'éléphant vient de percevoir quelque chose de la présence du groupe. C'est ça. Donc, c'est quoi qui fait qu'il y a un plus que dans le premier voyage, ce qu'on a rencontré, on pourrait dire, n'a pas rien perçu. Puis dans le deuxième, visiblement, on était plus densifié ailleurs. Bon, simplement parce que la première expérience, les égaux jouent, l'humain n'y croit pas. Deuxième expérience, l'humain, il croit et il croit pas, il joue et il joue pas. Troisième expérience, vous aviez eu une préparation de 5 jours avant l'expérience. Donc, ces cinq journées-là ont fait en sorte, et ça fait partie de la préparation, bon, on pourra en reparler un peu à la prochaine conférence, ça fait partie de la préparation du corps physique, du corps vital, du corps astral, donc la psychologie du mental de l'humain, pour que finalement, tu te coupes suffisamment de tout ce qui peut venir te perturber. Et là, plus naturellement, plus facilement, en appliquant en faisant le travail qu'il faut, subitement, la densité, tu es plus présent dans les continuums où tu veux aller. Alors, immédiatement, quand l'éléphant... Plus présent physiquement, là. C'est-à-dire que présentement, non, à ce moment donné-là, c'était pas physique. Il y avait une présence plutôt fantomatique. L'éléphant percevait, il ne savait pas quoi, et donc il avait peur. Il attaquait pas, il fuyait pas, il fallait qu'il soit fixé. Et là, moi, ben, je vous ai simplement dit, écoutez, il est temps qu'on décarpisse, là. Bon. Alors, on a simplement changé de continuum. Et on s'est retrouvé dans une forêt avec des chevaliers. Moi, c'est ça, continuer. Ce qui nous plaît. C'est ça, continuer à le raconter. Moi, j'étais pas là, donc. Après cette partie-là, ce que je me souviens, c'est d'être dans une forêt très spéciale, dans le sens. Parle-nous un peu des chevaliers. Les chevaliers, c'était comme un camp. Donc, ils avaient monté leur camp là. Il y avait des tentes, il y avait de la bouffe, les chevaliers pouvaient s'entraîner à certains endroits, il y avait de la circulation. Il y avait vraiment. C'était une armée. Il me semblait que c'était une armée qui avait monté son camp là. Bon, il y a des questions fondamentales intéressantes. Est-ce que les montagnes qui environnent le camp de base, donc là où nous étions, est-ce que ces montagnes-là étaient encore là? Oui, puis non. Bon. Oui. C'est bien. J'avais hâte de voir. Ce qui est intéressant dans le voyage temporel au départ, c'est que vous voyez ce que l'humain appelle la réalité, mais en même temps, superposé à cette réalité-là, vous voyez, toujours en trois dimensions, sonore, couleur, tactile, olfactif, vous voyez l'autre chose. Et plus le voyage est performant, moins vous êtes capable de dire que la réalité est aussi présente que l'illusion. Et c'est très différent de ce qui se passe normalement quand les personnes vont avoir une vision collective où rien ne change, mais quelque part, soit par une soucoupe volante, la Vierge ou quelque chose. C'est que là, je vois tous les gens assis ici, et en même temps, je vois les chevaux traverser, je vois les arbres, et il y a un jeu de densification changeante, c'est-à-dire que quand je me dis, voyons, je vois la réalité paraît plus dense. Puis à un moment donné, bien là, si tu te laisses aller un peu, si tu commences à essayer de voir, bien la réalité semble s'estomper et là, où tu étais réapparaît. Et l'intéressant là-dedans, c'est que autant que quand on remarque la réalité, si je dis, tu vois, il y a une personne avec un chandail blanc à droite, les gens vont le voir. Mais moi, je peux dire, regardez tous la personne qui est à droite, regardez quelle est la couleur de son chandail. Tout le monde l'a vu? Parfait. Quelle est la couleur du chandail? Il me dit blanc. Et toutes les autres disent, effectivement, c'est ça. Et ce n'est pas parce qu'on est une gang de cons. D'ailleurs, il faut dire que le groupe est assez sélectionné. C'est plus facile, probablement, avec d'autres genres de gens. Ce serait moins sceptique. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc qu'il y a le jeu. On le voit, puis on s'obstine, nous autres. Bien, c'est ça, oui. C'est mieux comme ça. Les gens ne se prennent pas à des jeux astro. Alors, donc, l'intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, la montagne, elle est là, mais en même temps, il y a un champ. C'est ça. Les chevaliers étaient dans un endroit plus haut. Exact. Ça, définitivement. Mais ça, et en même temps, tu vois les arbres à travers eux. Ça, on s'en était pas parlé. Ben exactement, c'est ça. Puis quoi, c'était en dehors du cercle, ça? C'était à côté de vous autres? On était comme dans le milieu. C'était loin. Écoute, une armée là, qui campe, là, ça en prend de la place. Et puis les montagnes près du feu étaient peut-être à 50 ou 60 pieds d'où on est. Il y a un mur de roche là, et puis c'était pas ça qu'il y avait là quand il y avait les... Il y a les deux. Oui, ça, c'est important, c'est ça. La juxtaposition des deux mondes. Ce que je veux dire, c'est qu'où il y avait les chevaliers, il n'y avait pas de montagne, c'était dans un champ. C'était pas, On poursuit. Ensuite, l'étape suivante, c'était la forêt bizarre que je disais tantôt. C'était pas une forêt bizarre. Est-ce qu'il y a un chevalier qui vous a repéré? Il me semble que oui. Mm-hmm. Bon. Il s'est déplacé, puis il est venu voir quelque chose. Il n'était pas certain. C'est comme si son cheval faisait... Tiens, bon, il y a un chevalier, effectivement, à un moment donné, qui est arrivé en plein milieu du cercle de notre campement. On avait un feu. Donc, il y avait un campement. Le chevalier s'est pointé en plein milieu du campement. Et lui aussi avait repéré des choses. Et il y avait une inquiétude majeure qui montait en lui. Alors, où il percevait des entités de la nature, en réalité, c'était nous. Où il percevait des fluctuations, il voyait des trucs bizarres, il voyait de l'imperception. Où son astralité, sa psychologie percevait uniquement une peur des forces sataniques ou quelque chose du genre. Où il percevait la présence d'esprits blancs, donc de phénomènes divins. Où on a sacré notre quête de toute façon, avant qu'il mette pied à terre, puis qu'on se densifie trop, puis qu'il sorte son épée. Puis que vous le reconnaissiez. Peut-être que quelqu'un que vous connaissiez, hein? Oh, c'était pas... Avant qu'il lève son ombre, puis qu'on le reconnaisse. Son ombre était là, alors donc... Puis c'est quelles années à peu près, là, c'était... 1300. Ouais. On n'a pas pris le temps d'aller vérifier le calendrier de l'époque. Maman, t'es toujours à la même heure, je sais. Maman ne monte pas les siècles, fait que j'ai pas pu. Maintenant, il y a un point avant de parler de cette forêt. Il y a des choses qu'il faut comprendre aussi, qui sont importantes de jaser là. On pourrait même revenir avec une question là-dessus. Il y avait, ça c'est l'année dernière, donc troisième expérience de voyage temporel. Il y avait une personne qui était venue camper dans la région pas loin et qui avait été sur le bord d'un lac. C'était un de mes amis, mais qui n'a rien à voir avec l'expérience, alors je l'ai envoyé camper. Et puis, alors, il y avait son petit campement sur le bord d'un lac naturel de la nature, à peu près à un demi-kilomètre à travers la forêt. C'est juste une forêt sauvage, donc tu ne vas pas là en auto. Et le soir, quand on a décidé qu'on faisait l'expérience, il a commencé à pleuvoir. D'ailleurs, ça arrive fréquemment quand on décide dans pleine nature qu'on va faire quelque chose en pleine nature. Ben, toi, tu as expliqué au groupe que là, tu étais écœuré, que chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut toujours qu'il se passe des cossins pour nous en empêcher. Et tu as dit aux gens, rappelez-vous que vous avez déjà été capable de faire en sorte qu'il ne pleuve pas sur nous, puis ce soir, ben, c'est le temps de le refaire, parce qu'il va pleuvoir, puis nous, on reste dehors, puis il ne pleuvra pas sur la tête. Comptez-vous de ça? Mm-hmm. Bon. Alors, il est arrivé simplement ceci, c'est que ça l'a immédiatement arrêté un petit peu, et ça l'a recommencé. Et là, c'est un jeune garçon de 13 ans qui s'est levé plus ou moins en colère, puis lui, il a dit même chose, il dit « Ah ben là, déniaisez-vous la gang, parce que... » Et ça l'a arrêté immédiatement, partout dans la forêt. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est assis, et là, il a recommencé à pleuvoir, mais partout dans la forêt, sauf où on était assis. Mais on a déjà fait ça. Il pleuvait, bon, etc. Et puis quand les gens sortaient du campement du rond pour aller aux toilettes, ben ils revenaient tout mouillés. Mais tant qu'on restait là, ils étaient corrects. Sauf que on a eu droit à un déluge, à une très, très, très belle orage pendant l'été, avec éclairs régulières. On voyait la photographie de la forêt, on voyait la forêt très bien éclairée, et avec de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant au moins 20 minutes à une demi-heure, tout ce qu'on a fait, c'était de rester en pleine forêt. Et ce n'est pas les arbres qui nous protégeaient. Les arbres vous protègent 3-4 minutes, mais après ça, c'est pas long que les arbres ils vous arrogent, même quand il ne pleut plus. Et pendant 20 minutes, une demi-heure, on est resté simplement là. Et moi, ce que j'avais dit aux gens, c'est qu'observer ce qui se passe, c'est très important de former les égaux humains. Parce que vous vivez des choses un an après, vous n'êtes pas sûr de l'avoir vécu. C'est ça. Parce que ça fait tellement partie de ce que vous ne devez pas vivre, de ce qui ne se peut pas. Alors, tout le monde est assis, tout le monde est bien, évaché autour du feu, et il pleut, ça tonne. Il y en a un qui disait, ça joue au quai. C'est impeccable. Et ce que j'ai dit aux gens, c'est que essayez de prendre conscience que vous avez droit à un spectacle majeur, avec chef d'orchestre, orchestre et tout le tralala, éclairage. En plein milieu de l'orage, et il ne pleut pas sur vous. Alors, les gens sont relaxés énormément. Et ça, c'était le début de l'expérience voyage dans le temps. Et déjà là, ça amène une relaxation et une préparation à l'impossible. Mais une chose qu'il faut dire, c'est que, bon, vous n'étiez pas là. C'est pas qu'il pleuvait à un kilomètre ou deux d'où est-ce qu'on était, là. Il pleuvait, là, on l'avait dans le dos, là. C'était à quelques pieds en arrière de nous, il pleuvait. Ça faisait vraiment un rond où est-ce qu'on était. Ça, c'était Ça, je me rappelle très bien de m'être retourné, d'avoir allongé ma main, puis là, il pleuvait là, puis ici, il pleuvait pas. Alors, ou il est complètement fou, ou bien il y a encore beaucoup de choses à expérimenter, à découvrir. Non, mais je laisse au public le choix de juger. Ça va être plus facile si vous ne le regardez pas, probablement. À partir de là, on a commencé à faire des expériences voyage dans le temps. Il a plu toute la nuit, très fort, sauf évidemment où on était, parce que ça nous aurait agréé pas qu'il pleuve là. Bon. Et à un moment donné, on discute des chevaliers, on discute de la pluie, et il s'est passé quelque chose. Il y a un jeune garçon de 9 ans qui était assis, qui fait partie de ceux qui peuvent voyager. Il y avait d'autres jeunes là, un de 12 ans, il y avait un autre de 12 ans, puis bon. Et puis, à un moment donné, lui, il pose une question. Tu te rappelles la question? Non. Alors, il me regarde, puis il dit, « Hey, Daniel, c'est quoi les arbres, là? » Alors, je me retourne, et là, c'était intéressant. Parce que là, c'était quoi? Mais là, c'était carrément pas la même forêt. C'est pour ça que je disais tantôt, une forêt bizarre. C'était pas vraiment une forêt bizarre, mais c'était une forêt que j'ai jamais vue puis que je connais pas. Est-ce qu'il y avait une transparence? Est-ce qu'il y avait encore les anciens arbres avec les nouveaux arbres? Est-ce qu'il y avait encore les montagnes avec les arbres? Est-ce qu'il y avait... Non, mais mon égo a de la misère. Même aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Mais si tu me le demandes, à ce fois-là, j'aurais dit « Oui, oui, oui! » Là, tu me disais « Romain, tu le vois? » »« Oui, oui! » Là, si tu m'as dit « Aujourd'hui, le voyais-tu? » Il me semble que oui. Il faut! Il faut que la montagne soit encore là. Ouais. François? Ce détail-là, moi, je ne l'ai pas bien vu. Ça, pour être honnête... Il faut être honnête. Non, non, c'est ça. Non, non, mais je veux dire, c'est que je ne me rappelle pas de ça. Et puis, même qu'est-ce à que tu as vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Ce qui m'a plus frappé, c'est quand c'est devenu complètement tranquille, qu'on était vraiment... juste l'étape après. Oui, c'est ça. OK, on va finir avec notre forêt. Okay. Parce que moi, je voudrais expliquer en même temps, avec la précision avec laquelle je décris mes perceptions, puis en même temps, j'y crois pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas aussi. Ça fait partie de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que sur le moment, un mois après, ça va. Deux mois après, ça va. Un an après, tu n'es plus sûr. Deux ans après, vraiment pas sûr. Trois ans après, oui, on n'a jamais vu que ça, moi. Et c'est une grosse problématique parce que à chaque fois, il faut refaire tout le travail de déprogrammation psychologique pour que la personne puisse parvenir à faire quelque chose de neuf. Ce qui est intéressant, c'est que là, le voyage est suffisamment dense que 100% des gens qui sont là, ceux qui ont affaire à la lignée de gens que j'expliquais au départ, ainsi que ceux qui ne voient à peu près jamais rien ou qui sont jamais sûrs, 100% des gens qui sont là sont confrontés à découvrir des arbres qu'ils n'ont jamais vus, un alignement d'arbres qu'ils n'ont jamais vu, une atmosphère qu'ils n'ont jamais sentie. Et la problématique, c'est qu'il n'y a effectivement plus aucune foutue transparence, c'est là. Mais il y a plus original. C'est que ce qui est arrivé immédiatement, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est levé, parce que c'est tout un groupe de gens qui se disent, ce sont des vrais sceptiques. Et quand je dis vrais sceptiques, c'est par rapport à d'autres sceptiques qu'on a au Québec, qui sont des convaincus que ce n'est pas vrai. Eux sont sceptiques, c'est-à-dire que ça se peut que oui et ça se peut que non. Un sceptique, c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui est ouvert. Alors, il y en a un qui se lève et il rajoute beaucoup de bois dans le feu parce que c'est la nuit. Et là, le feu est devenu très, très, très, très grand. Et là, ça l'a éclairé beaucoup plus loin. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, mais oui. Là, ce n'est plus la première lisière des arbres. Et là, on a vu à l'intérieur de la forêt. Et ça l'a fait beaucoup de fumée. Et la fumée, elle, s'en allait dans la forêt, passait entre les arbres et rentrait dans la forêt. Donc, nous étions là. Et notre matière était maintenant capable de s'échanger avec le reste de ce qui était là. Nous étions là. Et tous les jeunes, on en a réveillé quelques-uns, et là, j'avais spécifié une chose à tous les égos qui étaient là. Là, vous regardez partout, puis rappelez-vous bien comment c'est. Et demain matin, dans la journée, vous viendrez vous rasseoir à la même place, et là, vous observerez la forêt, et vous viendrez m'expliquer de quelle était l'illusion d'optique. OK? Parce que là, tu vois des arbres qui ont à peu près toute la même grandeur, tu vois comment ils sont placés. Parfait. Quand tu reviens le lendemain, tu te rassois et tu te dis, OK, c'est ça de bord, c'est les petits arbres, on ne voyait plus, puis tu peux t'expliquer. Et c'était important, vous vous rappelez, que j'avais spécifié aux gens de bien photographier, de bien voir ce qu'ils voyaient là. On est resté en masse de temps pour qu'ils puissent bien l'apprécier. Et demain, on en parlera du demain, mais c'est important. Et ensuite? Ensuite, après avoir, on est revenu, après... Ça veut dire qu'il y a eu l'ambiance, le décollage. C'est ça, là, ce que moi qui m'a disons, impressionné. Mais ça, c'était là en même temps? Non, c'était un peu après. 30 secondes. Ouais. Moi, je t'en parle après. OK, bon, c'est ça. Alors, on est rendu après. Donc, c'était vraiment une paix... je pense que l'expression qui est sortie, c'était une paix préhistorique, c'est-à-dire une paix qui n'avait pas connu, ou un astral qui n'avait pas connu ce que c'était des humains, ou ce qui vient avec comme... La guerre. Oui, c'est ça, comme polarité, comme la paix, c'est jamais de la paix, c'est toujours... Un entre-deux guerre, mais là, ça n'avait pas connu ça. Toi, Robert, tu te rappelles de ça? Oui. Et c'était quoi, la saveur? C'était le vide. C'est comme quand je suis vide, là, puis j'ai pas d'astral, là, c'était comme ça. C'était un bien-être, mais pas un bien-être... Avais-tu peur? Non. J'avais pas chaud, j'avais pas froid, j'avais pas rien. Ce qui est là, quand j'ai demandé aux gens d'observer ce qui se passait à l'intérieur d'eux, tout le monde était obligé de conclure qu'il y a quelque chose de nouveau, de bizarre, parce que... Et là, je leur ai dit, je sais pas dans quelle époque on est, parce que je m'en fous. On fait un travail présentement juste d'entraîner des gens à pouvoir voyager à travers le temps. Mais nous étions dans une époque où probablement l'humain ne vit pas, ou l'humain n'a pas vécu, ou l'humain n'a pas vécu encore beaucoup. De ce fait, il n'y a pas rien dans l'astral que nous, on connaît. Alors les gens, le gros de leur affaire, c'est qu'en fouillant profondément, ce qu'ils pouvaient tous être d'accord pour dire... C'est drôle, mais c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas peur. Il y avait comme si aucun danger n'existe, ni dans l'imaginaire, ni dans ta psychologie. Tu ne peux pas être relié à rien. Il y avait... Et les personnes étaient réveillées, conscientes, correctes, mais une absence complète de peur. Parce qu'à l'époque où nous étions, ou dans le territoire où nous étions, ça, il n'y en a pas. C'était une paix, mais pas comme une paix en attendant d'autres choses. C'était une paix qui était installée, qui était... C'était l'absence de problème. Oui, c'est ça. L'absence de peur. C'était vraiment bien. Ensuite? Ensuite, quand on est revenu, bon, on a discuté un petit peu, puis ensuite, on est allé se coucher. Puis quand j'ai comme fermé le zip de ma tente, là, ça s'est mis à tomber. Ce qui est intéressant, c'est qu'il pleuvait donc toujours pas là où nous étions. Et une question qui est intéressante à poser à tout le monde, mais qu'on n'a pas fait. Il y a deux choses qu'on a mal fait lors de ce voyage-là. La première a été, enfin, de vérifier consciemment s'il pleuvait encore dans la forêt. Je crois que oui, mais c'est pas évident que c'était la même pluie. Et la deuxième chose, c'est que je ne m'attendais pas à ce que les gens réussissent si bien immédiatement. Alors, quand on a vu la forêt, etc., la fumée qui allait là-dedans, bon, tout ce qu'il fallait, les étincelles qui décollaient dans la forêt et qui se mélangeaient très, très bien au décor, l'idée ne m'est pas venue, puis encore moins aux autres, d'aller faire une marche. Mais évidemment, la prochaine étape, c'est évidemment d'aller faire une marche. Bon, pour revenir sur les dangers, de revenir, puis le plateau plus là, tu sais, bref. Bon. Mais on serait peut-être bien content si on est dans une époque... Oui, mais il faut aussi que tu trouves le Stambird, hein? Il n'y en a pas ici, il n'y en a pas là-bas. Remarque, là, faut-tu... Alors, ce qui est bien, c'est que... Bon, alors, on revient au 20e siècle, à notre époque. Les arbres reviennent, tout revient, tout est parfait, tout est normal, tout est bien correct. Et on décide d'aller se coucher. Alors, les gens se lèvent, et à l'instant où on dit, bon, ben là, bonne nuit tout le monde, les gouttes commencent à nous tomber sur la tête. Ah oui, puis... Et là, on a juste eu le temps de regagner nos tentes, nos campements, pour que le déluge s'installe à l'échelle de la forêt, donc qui viennent maintenant prendre le dessus où ce qu'on était nous autres. C'est l'impression, tu t'en reparles, puis ce que je me rappelle comment je ressentais ça à ce moment-là, c'est quasiment comme si il y avait eu une retenue, puis quand on a eu terminé, puis que là, ça s'est lâché, que là, il y a eu une pluie, comme je sais pas si j'ai vu une pluie forte comme ça à Montebello, ou simplement depuis des années. En tout cas, ton ami qui était à sa roche, lui... Ah, lui, voilà, ça fait partie des effets secondaires d'être ami avec mon ami qui était sur la roche, il ignorait tout, évidemment, de ce qu'on faisait. Il savait même pas qu'on était une gang de malades. Et puis donc, il campait sur sa roche. Et puis, le lendemain matin, on est allé le voir pour voir si... Bon, on est allé au lac, de toute façon, on va se baigner là, puis bon. Et puis, il nous explique qu'il a plu en maudit la nuit dernière. Fait que nous, on dit « Oui, il paraît! » Et puis là, le lac, c'est un lac qui a à peu près 3/4 de kilomètre de long par à peu près, disons, on va dire 1/4 de kilomètre de large. Bon, c'est pas un grand lac, mais quand même. Puis à peu près 50 à 60 pieds de profondeur. Et le lac, comme le niveau de l'eau montait à peu près de 6 pouces. Lui avait mis ses réserves de nourriture, juste ce qu'il devait mettre dans l'eau pour garder au froid sur le bord de l'eau, donc un petit peu dans l'eau. Mais le matin, il fallut qu'il descende sa main pour aller chercher. Donc, il dit « Il y a plus, il y a plus, il y a plus. » Il dit, mais à part de ça, je sens bien l'été. Il dit, non, il y a eu un orage dans ma tente. Fait que là, j'ai dit, oui, bon, il dit, à un moment donné, il connaît un petit peu l'énergie vitale, il connaît un petit peu des affaires, parce que vu qu'il m'a côtoyé quelques années le temps qu'on travaillait ensemble pour Urgence Santé, il a fallu qu'il apprenne des petites choses. Parce que moi, j'avais des problèmes, on rentrait dans les maisons, et puis je savais directement où aller pour rejoindre la personne qui nous attendait. À un moment donné, il a fallu qu'il y ait des patients aussi qui étaient très mal en point, puis rendus à l'hôpital, il fallait qu'on leur dise, dites-leur que vous avez mal encore. Parce que sans ça, ils vont vous retourner chez vous. Alors, il fallait expliquer. Alors, à un moment donné, il me dit, il dormait, il s'est mis à pleuvoir, mais subitement, il y a eu des gros éclairs, ça l'a réveillé. Mais à un moment donné, il y a eu des éclairs, mais uniquement dans sa tente. Puis là, il y en avait plein, c'est de l'énergie vitale, mais ça éclaire. Il y en avait, il fallu que je sorte dehors. Il pleuvait dehors! Les éclairs étaient dans sa tente, la pluie était dehors, puis lui, il aurait voulu être chez lui. Ou avec au sec. Mais c'est un gars qui est bien, c'est un gars intelligent. Donc, il s'est centré, il s'est placé, à un moment donné, attendu. Après ça, il est sorti d'un imperméable, évidemment, puis à un moment donné, les éclairs ont cessé dans sa tente. Fait qu'il est retourné dans sa tente, il s'est couché. Ce sont des effets du mouvement de continuum. Il y a dû se passer aussi plein d'autres phénomènes, style feu de Saint-Elme, pour les marins qui sont ici. pour les rares marins qui sont ici. pour les ex-marins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que puis dans les mécaniques, bon, ça, vous avez ici une idée d'histoire. Deuxième voyage temporel, à un moment donné, c'était uniquement un voyage au niveau des saveurs. C'est-à-dire que la question était, bon, maintenant, on vient de changer d'époque. Alors, toi, là-bas, où sommes-nous? La personne, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime pas ce qu'il y a derrière les montagnes. Puis, il y en a 8 qui disent, ouais, je t'assure que moi, je n'irai pas là ce soir. Alors, donc, dans l'historique, premier voyage, c'est uniquement des cérébralisations, c'est-à-dire que l'humain perçoit que son cerveau avec des mélanges de continuum. Donc, il voit des réalités. À travers ça, il a l'impression de percevoir des choses. Il a l'impression. Deuxième voyage, plus accentué, les gens ont l'impression de percevoir, mais finalement, ils sont vraiment ambigus dans ce qu'ils perçoivent, mais bon... Mais l'anus, ce qui se rajoute à l'histoire, c'est les sensations astrales. Évidemment, encore là-dedans, ça peut être uniquement du voyage astral, sauf que les gens le font en groupe, sont réveillés, les yeux ouverts, en train de manger leur nourriture, en train de mettre du feu du bois dans le feu. Les gens sont vivants et tout le monde est capable de décoder, de voir, de percevoir, de se parler de la même affaire. C'est simple, vous levez la main quand vous allez voir le gars descendre du cheval. Puis à un moment donné, on est une quarantaine, et puis subitement, il y en a 12 qui lèvent la main. Les autres ne sont pas sûrs, les autres n'y voient pas la même affaire, parce qu'il y a des gens, évidemment, qui sont dans le deuxième voyage, qui ont de la difficulté à suivre. Mais là, on ne dit pas, il a levé la main, tout le monde l'a vu. Non, c'est pas ça, c'est vous levez la main quand il va descendre du cheval, puis subitement, ça lève la main en même temps, les gens ont vu la même chose au même moment. Le troisième voyage, évidemment, ça prend 4 à 5 jours de préparation au niveau des corps planétaires pour permettre à l'humain de pouvoir voyager. Et ça le prend, évidemment, 5 années de préparation au niveau de la formation psycho-émotive et mentale. Donc, pour que les gens puissent voyager puis revenir correctement. Il y a évidemment des gens qui ne sont pas suffisamment préparés à faire ça. Il y a des gens qui n'étaient pas préparés. Bon, on avait des invités, des apprentis, puis il y avait ce qu'on appelle le groupe des chefs. Ce sont des séminaristes, évidemment, et donc des gens qui ont quand même minimum fait le séminaire pour avoir au moins le même langage, pour avoir les mêmes concepts au niveau de ce que c'est la vie. Et la chose qui est intéressante aussi, c'est qu'en voyageant comme ça, la présence de suffisamment d'entités solides, dans l'occurrence le groupe des chefs, fait en sorte que les individus qui ne sont pas préparés sont capables de faire le voyage sans choc psycho-émotif. Ils se sentent toujours en sécurité. Mais est-ce qu'ils font ou ils n'ont pas d'onde de retour? Ils le font presque pas, mais dans la forêt, tout le monde était là. Okay. Sauf évidemment à toi. Mm. Moi qui était à Montréal. Et Antoine. Moi et mon bébé. Oui, toi et ton bébé, mais c'est ça. Alors, vous avez des questions? Oui. Qu'est-ce qui serait arrivé si dans... Je pensais qu'il demanderait où on va aller la prochaine fois. OK. Qu'est-ce qui serait arrivé? Ça, c'est ma question suivante. Qu'est-ce qui serait arrivé si on était allé prendre une marche, comme tu disais là, tantôt? Est-ce qu'il aurait fallu... tous sortir ou qu'il y en a la moitié qui reste ou certains individus restent? Est-ce qu'on aurait pu rester pris quelque part? Qu'est-ce qui peut arriver? Bon. La question, bon, est-ce qu'on peut sortir et prendre une marche? Oui. Je répète que ce qui est intéressant dans le phénomène, c'est que notre feu nous a suivis, nos arbres nous ont suivis, c'est-à-dire que l'arbre sur lequel je t'accotais a daigné me suivre. Oui, c'est ça, je le sens. Ce qui est très bon. On ne peut pas se retrouver à un moment donné. J'étais sur une chaise, on part, puis je me retrouve assis sur une montagne, supposons. Tu vas pouvoir faire ça. Est-ce qu'on va pouvoir parler? Est-ce qu'on peut contrôler? Actuellement, tu ne le fais pas, mais actuellement, tu restes sur la montagne avec ta chaise, avec tes roues, puis tu te ramasserais en bas de la montagne, parce que c'est pas les meilleurs. Mieux vaut t'asseoir. La suspension, oui. Qu'est-ce qui fait que ça nous suit, le... On dirait notre cercle, notre entourage. On pourra en parler peut-être plus lors de la deuxième, okay. La prochaine conférence sur les mécaniques même du temps. Mais c'est évident que la densification telle qu'on l'avait là, comme les prochaines fois probablement, on verra si on amène une caméra histoire uniquement de pouvoir reprouver à ceux qui ont de la difficulté à accepter ce qu'ils voient, et ce qu'ils touchent, ce qu'ils sentent et ce qu'ils mangent. Mais est-ce que ça pourrait être assez densifié pour qu'on puisse filmer ça? Où il n'y aurait rien sur la... On peut photographier des entités de la nature, fait que ça va être encore plus... En plus, il faut être là pour savoir comment c'était. Mm-hmm. C'était comme ça ici, là. Il y avait du monde comme ça, puis il n'y avait rien d'autre. Il y avait ce monde-là. Le lendemain, juste avant de répondre à la question, le lendemain, le groupe s'est réuni à la même place. Les gens sont assis plus ou moins à la même place. Et là, regardez maintenant la forêt et expliquez-vous l'arnaque. Expliquez-nous l'arnaque. C'était quoi le gag? Je ne sais pas, mais je sais que c'est différent. Au minimum, l'atmosphère n'était pas là, puis ce qu'on voyait, c'était pas la même chose du tout. Non, ça, moi, j'ai pas de doute que c'était différent. Ça, Oui, mais est-ce que la position des arbres de jour pouvait te donner une orientation pour expliquer l'illusion que tu as vue de la nuit? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Parce que, par exemple, derrière toi, il n'y avait pas d'arbres, puis dans la forêt qu'on a vue, il y en avait des arbres. Donc, c'était pas ça. Alors, moi, où j'étais, il n'y en avait pas, mais dans la forêt que tu as vue, il y en avait. C'est ça. Puis là, je suis en train de me... Je pensais que je me rappelais pas grand-chose, mais là, je me rappelle que les arbres, la couleur puis la grosseur étaient assez particulières. La texture, je me rappelle de la texture. Puis c'était pas les arbres qui ont monté Bello. Donc, où c'était, je sais pas, mais je sais que c'était différent. Je pouvais pas confondre. Surtout que le feu était assez fort, donc on voyait bien. C'est quoi la question? La question, c'est que le lendemain matin, tu es allé te rasseoir à la même place, mm-hmm. Tu as regardé la forêt. Mm-hmm. Alors, peux-tu expliquer l'arnaque? Non. La forêt, il n'y avait rien là. Tu ne peux pas dire, OK, c'est ça, l'illusion que j'ai eue, c'est parce qu'il y a une ligne de montagne là, puis il n'y a pas plus? Parce que c'était pas juste ma vue, c'était... OK, mais juste au niveau de la vue, minimum, pour combler l'idée de l'imagination ou du jeu d'optique, l'illusion. Il y en a qui sont suivis par des soucoupes volantes, puis on leur explique que c'est Vénus qui les suivait. Ben, je pourrais chercher quelque chose, mais si ça me tente pas de... Ce que j'ai vu, je l'ai vu, puis si je me dis, ben, poulon, j'ai peut-être vu parce que j'étais fatigué, un boucan dans les yeux, ça non, me... Non, c'est autre chose. Mais juste au niveau de l'imaginaire, ce qui est intéressant, c'est que la majorité des arbres étaient relativement rangés. Oui. Ben, c'est une forêt propre. Plantation, vous voyez comme une allée de... Oui. Bon, OK, c'était une forêt propre. On aurait pu faire du cheval là-dedans. C'est une forêt propre. Le lendemain, ben là, notre forêt est quand même relativement propre là-bas parce que bon, ça donne pour la nettoyer de temps en temps pour allumer les feux. Mais le lendemain, on se rassoit puis là, on regarde l'emplacement où, surtout là où on avait regardé. Puis vous pouvez pas partir à la course là-dedans, c'est impossible. Les arbres, il y en a partout. C'est suffisamment bouché que la montagne en arrière, c'est à peine si on peut la voir. Donc les arbres, il y en a, des gros, des petits, il y en a de toutes les sortes. Il y a des feuilles en masse. C'est justement, c'est ce que je voulais que les gens constatent. Premièrement, moi, je voulais qu'on explique le lendemain l'illusion, s'il y avait une, parce que j'aime autant si c'est une illusion, qu'on le sache. Si ce n'en est pas une, qu'on le sache, mais qu'on sache. Et puis, effectivement, le lendemain, bien, les gens sont venus se rasseoir là, puis il n'y a personne qui a été capable d'expliquer ce qu'ils ont vu la veille en fonction d'un jeu d'optique, d'illusion, d'ombre, de noirceur, de quoi que ce soit. C'est impossible. Et ça, c'est... Pour les gens, ça devient une confirmation qu'effectivement, ils ont été dans un endroit où on ne le voit pas. Mm-hmm. OK. Face à ça, bon, on a vu tantôt, tu décrivais l'an 1300, 1400, les chevaliers. Bon, les chevaliers, on a tous vu des chevaliers quelque part d'un film ou d'un livre. Bon, mais si on va dans l'avenir, c'est pas d'un livre encore, c'est pas, en tout cas, dans ceux que j'ai accès, là, ou d'un film. Donc, on peut pas... On n'a pas le même outil de référence. Ça va être dans... Okay. On va juste voir si tu te perds dans le temps, qu'est-ce qui se passe. OK. Ben, il se passe que ta mère te cherche. Ah oui, l'histoire de la, si tu vas prendre une marche. Si on sort, c'est ça. Là. Ce soir-là, pour prendre une marche ce soir-là, disons, moi, j'aurais été prendre une marche. Parce que toi, tu t'es éloigné un moment donné. Moi, à un moment donné, je me suis éloigné, mais c'était, je crois, avant. Il pleuvait. Ou assez après, mais je crois que c'était avant. Il pleuvait-tu? Où j'étais, moi, non, il ne pleuvait pas, j'étais correct, mais ce n'était pas dans cette forêt-là, c'était dans notre même forêt. Mm-hmm. Donc, je me suis éloigné, mais ce n'était pas à ce moment-là. C'est vrai que c'était avant. Je crois que c'était avant, effectivement, c'était dans notre même forêt. Après ça, on est revenu, après ça, ben là, on a fait des petites choses pour placer tout le monde un petit peu ces mêmes longueurs d'onde, puis après ça, on a fait le voyage. Donc, effectivement, on aurait pu aller cueillir des fruits, revenir avec des maladies nouvelles. Eh oui. Okay, ben j'ai une question parce que là, en parlant, il y a plein de choses qui me reviennent. C'est que justement, quand tu es sorti. Je vais te poser ça ce soir-là. Non, des questions qui se posent maintenant. Là. Quand ce soir-là, tu es sorti, il y en a plusieurs qui ont vécu quelque chose d'intéressant. On s'est OK, mais on en parle, on n'en parle pas, là, ça. OK, bon. Mais ce que je veux savoir, moi, c'est. En tout cas, ce que je vibre, c'est que ça a été une espèce de. Le déclencheur, mais... Bon, j'ai pas d'évidence pour dire ça, mais un déclencheur de quelque chose qui vient nous chercher, qui vient nous allumer pour aller rejoindre quelque chose. Ça a-tu de l'allure? Ben, ça a de l'allure dans ce sens simplement que ça l'a simplement fait densifier certaines informations. Parce que moi, quand je suis sorti, bon, j'étais faire quelque chose. Mm-hmm. Et puis, il s'est donc passé des choses. Bon, lui l'a perçu très puissamment. D'autres l'ont perçu aussi. Ça l'aide un peu à faire en sorte que tu te branches dans « là, ben là, finis de niaiser, là, puis on va faire quelque chose. » C'est ça, ça nous allume, ça. Un peu, oui. Alors, effectivement, quelqu'un qui, par exemple, sort pisser, puisqu'on est dans une forêt, la toilette, il y en a une, c'est la plus grosse toilette du monde. Ben, il y en a une un peu plus loin, mais les chefs peuvent y aller dans des situations de même, mais les autres, ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils ont assez peur, hein? Pas évident. Alors, il préfère se retenir ou pisser juste là, sur le bord du chemin. Juste se retourner, faire un 180 degrés. Quelqu'un qui sort un peu loin. Bon, pas loin. Puis on le sait pas. Et puis on décide, nous autres, de changer de continuum. Ben, il va voir le feu s'éteindre. Puis après ça, ben, lui, il va rester là. Et puis actuellement, c'est pourquoi d'ailleurs, de toute façon, je fais ça avec des gens qui ont une certaine forme de discipline, puis qui sont, bon, enfin bref, avec des gens qui ont été un peu sélectionnés. Ils sont capables de se retenir assez longtemps pendant toi. Non, ils sont capables d'avoir assez peur pour rester là. Ah, c'est plus certain, je préfère me fier, moi, sur la peur que sur leur intelligence. Alors, c'est plus fiable, Adas. Ah, c'est fiable, 100%. L'intelligence, ça va devenir fiable, là, mais... Parce que si quelqu'un s'éloigne un peu trop pendant qu'on se promène, quand il va revenir, on ne sera pas là. Et la personne, elle va simplement vivre quelque chose. Rapidement, elle va vivre un petit voyage dans le temps que j'ai déjà vécu qu'une personne. On s'entraîne. Alors, essayez pas de comprendre le pourquoi de l'entraînement fait partie de ce que certains chefs font pour apprendre des choses. Alors, on s'en va à travers la forêt, de nuit, évidemment. On s'en va à 2 kilomètres à travers le bois, traverse entre des lacs, etc. On s'en va jusqu'à un immense lac et le 82e lac Écho de la province de Québec, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis là, on est sur une falaise de 100 mètres. De 30 mètres, donc de 100 à 110 pieds, qui descend en ligne droite sur le lac. Alors, c'est la nuit, il fait noir. Alors, on attache des cordes et là, j'initie un de mes amis à descendre en rappel, c'est-à-dire avec un descendeur, puis on se laisse descendre, là, puis on descend les centaines de pieds la nuit. Ce qui est intéressant, au départ, c'est qu'il faut lancer nos cordes, mais on ne lance pas nos cordes comme ça, on est en forêt, on les fait glisser sur le bord, mais la mienne reste prise quand même dans la tête d'un arbre. Alors, c'est original, parce qu'on descend, à un moment donné, bien là, je ne peux plus descendre, parce que ma corde remonte en haut, moi, là. Fait qu'on tire, on tire, on tire, finalement, je finis par descendre la moitié de la tête de l'arbre qui m'arrive sur la tête. Mon ami en reçoit des bouts. Faut pas avoir peur, parce que c'est noir, t'es totalement suspendu dans le vide. Puis là, le diable, l'imaginaire embarque au maximum. Et finalement, on arrive en bas, on ramasse nos harnais, et c'est simple, remonter en haut. On marche un petit peu, on grimpe, on passe à travers une petite chute, une petite caverne, on contourne ça, on remonte, on longe le bord de la falaise et on revient à la même place. Et là, on a deux autres personnes en haut avec des radios, puis il y a une autre personne plus loin dans le bois qui est avec une radio aussi, de façon à nous guider quand on va revenir, parce que c'est une forêt extrêmement sale où ce qu'on est là, puis il faut y aller à boussole, mais la nuit, c'est pas fort. Alors, on remonte, on longe la roche, on traverse le barrage de Castor, on longe les billots, on traverse le marécage, mais ça fait une demi-heure qu'on sait que ça n'existe pas où ce qu'on est. Il n'y a plus de falaise, il n'y en a plus de lac, on a beau marcher, on est revenu sur nos pas, on a tout fait, il n'y a rien à faire. Alors, à un moment donné, bien là, on continue à marcher, on arrête, et puis là, on commence je lâche un qui aille, donc un grand bruit, ça ne répond pas, on en lâche un deuxième, puis lentement, bien, il y a des choses qui changent autour de nous, mais ce n'est pas évident. Puis là, subitement, là, on entend qu'il aille. Là, on est revenu au 20e siècle. Mais là, on n'est pas, vu qu'on a marché beaucoup, on est revenu où on ne sait pas où. Alors, on prend la radio, puis on demande, nous autres, on sait très bien que selon notre démarche, nous sommes ici. Alors, ceux à la lisière de la forêt, à un kilomètre, mettons, trois quarts de kilomètre, un demi-kilomètre, sont là-bas. Et ceux sous le bord du lac sont là-bas. Alors, qu'il aille, ça se met à crier par là. Puis ça se met à crier par là. Fait qu'on, par là. Fait qu'on dit, on ne doit pas être tout à fait, en tout cas. Puis finalement, bien, avec les radios, on vérifie. Fait qu'on dit ceux qui sont sur le bord du lac, crier, ça se met à crier. C'est là-bas. Puis finalement, on était carrément perdu. Fait qu'une chance qu'on avait nos radios et qu'on avait le peu de peur avec nous. Alors, on s'est redirigé après ça sur les quillailles, puis on est revenu au lac. Et les deux autres devaient descendre, mais je leur ai suggéré, je leur ai dit, c'est pas une bonne nuit pour descendre. Parce que si vous descendez tout seul, elle doit remonter tout seul. Alors, on est revenu. Mais ça fait partie, ça, de ce qui peut arriver, effectivement, quand, quelque part, l'individu s'égare. Il faut que tu saches voyager. Il ne faut pas que tu aies voyagé avec moi. Il faut que tu saches voyager pour être capable de te retrouver. OK. Ça veut dire que t'as lancé quelques quillailles. Ils ont pu, eux, soit... ne pas t'entendre ou en lancer sans que tu les premiers, les gens n'ont pas entendu parce qu'on n'était pas dans le même temps. Mais nous, en faisant ça, on était donc à la recherche de notre présent. Puis le voyage, nécessairement, on est revenu dans notre... C'est ce qui t'a ramené, peut-être, aussi. Oui, après ça, quand on a remarché, là, la personne, d'ailleurs, elle assise à la conférence, quand on a remarché par la suite, là, pas de marécage, plus de barrage à castor, plus rien, puis on y retourne souvent, il n'y en a jamais eu, puis il n'y aura jamais non plus. Il y en avait plus. C'est plus facile après, parce qu'avant, il y avait toute de l'eau partout, des marécages, il y avait des bio. Mais une fois qu'on a crié 3 ou 4 fois, là, après ça, c'était correct, la forêt était sèche. Finalement, c'était pas un beau temps. C'était pas une bonne nuit. Prochaine conférence, on va faire un voyage dans le futur. Ça veut dire que ce qu'on va faire en réalité, c'est qu'on va faire comme si on était dans le futur, puis vous allez assister pendant une heure à un cours donné à des gens qui apprennent à voyager dans le temps. On va faire quelque chose du genre. Celui-ci, c'est un petit peu. Voilà.